Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Youyou. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Ben super, merci d'avoir accepté l'invitation. Ah bah c'est moi qui te remercie surtout. Raconte-nous un petit peu, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, ma première montée sur scène, enfin sur scène ouverte, qui était pluridisciplinaire. J'avais 42 fièvres, c'était la première. J'avais le grand rhume, tu vois, le truc qui coule bien, c'était sympa. Et d'ailleurs, ce qu'on dit quand tu montes sur scène, que tout s'arrête, t'es plus enrhumé, t'as plus mal, bah moi ça l'a pas fait ça du tout. Mais ouais, je pense que c'est dû au fait que c'était ta première scène en fait. Ouais, au final. Ouais. Parce que normalement, c'est vrai, la plupart des humoristes ressentent ça, je l'ai déjà vécu aussi. Moi je suis déjà monté sur scène grippé et arrivé sur scène, nickel, je toussais plus, je faisais plus rien, tu vois. Et sorti de scène, je reprenais mes quintes de tout et tout. Ouais, ouais. Donc là, en l'occurrence, ça n'a pas marché pour toi. Non, pas cette fois-ci, mais c'est vrai que d'autres fois, oui. Et en fait, si tu veux, c'était pluridisciplinaire, donc il y avait un synthé juste à ma droite pour les musiciens qui arrivaient après. Et bah, avec le nez qui coulait tout le temps, donc en fait, et puis bien sûr, j'oubliais mon texte, donc je reprenais une fiche, heureusement que j'avais fait une petite fiche, une petite anti-sèche, que je posais sur le synthé, donc j'oubliais bien mes microbes, les mouchoirs, etc. Et puis à un moment donné, c'est bien coulé devant tout le monde, donc je me suis bien mouchée devant tout le monde. Bon appétit à j'ai posé, voilà, j'ai posé exactement ça. Bon appétit à tous. J'ai posé du coup sur le synthé, et puis là j'ai sorti la vanne. Bah lui, il jouera plus du piano debout, comme dirait Michel Berger. Bon, ça fait rire les autres, quoi. Lui, je suis pas sûre que ça les fait rire. Ça a fait rire les quadras, je pense. Ouais, ouais, plus. Donc voilà l'anecdote. Ok, bah écoute, ouais, non, bah après ça reste quand même un bon souvenir. Oui, ah bah très bon, très une bon. Première scène, c'est toujours un bon souvenir. Ah, complètement. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur Youyou Julie B hein, sur Facebook. D'accord. Sur Youyou Humour sur Insta. J'ai aussi une page Youyou. J'ai aussi une page Youni Comedy Show. Ouais. Et bah, je crois que c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous pouvez me retrouver dans les plus grands restaurants. Non, j'en sais rien, en fait, où. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. On ira voir tout ça avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Bis à tous, même à toi là-bas.